fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais geekez-moi! Salut à tous, c'est Only for Gamers pour ce premier pilote sur Tranche de Geek, un podcast qui parlera un peu de notre petite vie entre bande de potes sur l'univers geek, jeux vidéo, high-tech. High-tech, jeux vidéo, cinéma, manga, tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, pour le premier sujet, on va vite fait faire un tour de table, histoire de savoir qui il y a avec moi. Donc, ce sont mes meilleurs potes que j'ai depuis très très longtemps, et je vais commencer par la personne à ma gauche. Donc, vas-y, Seb, présente-toi. Donc, moi, c'est Sébastien, dit Jim Seb. Alors, pour ceux qui me connaissent, je tiens un blog qui s'appelle The Amazing Geek, qui parle de l'actu du jeu vidéo depuis maintenant, ça fait 5 ans. Et mon parcours gamer, on va dire, ça a commencé il y a quand même assez longtemps avec tout ce qui est Atari 2600 ou Amstrad CPC, pour ceux qui... Moi, je m'en souviens parce que j'étais avec toi. Voilà, qui sont plus... l'époque. Qui sont plus dans les années 80-90 quand même. Avant de passer sur tout ce qui est Super Nintendo, PlayStation, et j'en passe des meilleurs. Et tout ce qui est... Je crois que Guy se sent pas bien. Non. Il va avoir du mal. Et au niveau de l'univers geek, grosso modo, grand fan de Dragon Ball Z, univers Marvel, tu peux, de manga... Pour Dragon Ball Z, ça c'est génération Club Dorothée. On a tous été... Je pense que c'est la génération de ceux qui sont nés dans les années 80, fin début 90, sont là-dedans. Oui, complètement. On est d'accord. Donc c'est tout. Donc oui, c'est vrai que tu fais des tests régulièrement, c'est pour ça que t'as plein de jeux enfoirés. Voilà, ne serait-ce que 35 l'année dernière. Voilà, c'est un bon score. C'est un bon... Sans compter ceux que t'achètes. Sans compter ceux que j'achète. Moi, du coup, j'en achète pas 35. J'espère bien, personne n'achète 35. Mais oui, parmi les tests qu'on peut retrouver, notamment Spider-Man, celui que j'ai lu, le meilleur jeu pour moi de l'année 2018. J'en ai entendu parler. Voilà, et d'autres moins connus, mais tout aussi intéressants. Très bien, je te remercie Seb. Et de suite, on va voir notre petit Benjamin du groupe, même si c'est pas forcément le plus jeune, mais bon, il va s'essayer à l'exercice. Gizmo, je t'en prie, présente-toi. Bonsoir à tous, moi c'est Gizmo. Comment faire Bonsoir Gizmo. passer après Seb, c'est pas évident. Pourquoi? Vu le... Ouais, le curriculum vitae. Voilà, exactement, c'est ça. Par quoi t'as commencé, par exemple? Moi, par quoi j'ai commencé? Ta première console. Oh là là, Nintendo peut-être, la NES, je dirais la NES. Écoutez, je m'appelle Gizmo, j'ai 34 ans, j'ai pas forcément le temps de jouer. ça c'est le problème des papas gamers, on est tous là. J'essaye, je fais des gros efforts. C'est pour ça que tu te couches à 1h du mat d'ailleurs, en pleine semaine. Exactement, sinon après j'aime tout comme Seb quoi. Ouais. À peu près tout ce qui est Dragon Ball, manga, sa femme, ma femme. Salut ma femme. Non, après je suis PlayStation par contre, je vous dis direct. On en parlera peut-être plus tard. Mais ouais, on peut, après tu abordes le sujet quand tu veux. Direct. C'est que t'es PlayStation, VR et toutes ces conneries. Voilà. Écoutez, pour moi ça sera tout. On en saura peut-être un peu plus sur moi plus tard. Tout ce qui est l'univers geek aussi, on peut rajouter tous les films du genre Jurassic Park, tout ça, t'as le droit, ça compte, ça rentre totalement là-dedans. Grand fan de Jurassic Park. Ça sera plutôt Retour vers le futur. Mais bon, pour Jurassic Park, j'ai le coffret et je le regarde jamais, mais bon, j'en ai fait comme il veut. Ça sera tout pour moi. Ok, alors c'est bon pour la 2. Moi, donc c'est Only for Gamers, je fais des vidéos YouTube depuis un petit moment, parce que ma chaîne est ouverte depuis 2013, je crois, et j'ai fait un peu de tout, donc moi j'ai fait du jeu PC. Et pourquoi ce PC s'est mis en veille? Alors attends, le truc c'est, ça continue à enregistrer. Désolé. Donc je fais un peu de tout. J'ai fait du rétro gaming PC, j'ai fait du rétro sur console, je sais plus. Et je me suis mis au truc mobile, ce qui est vachement relou en fait, parce que j'ai pas le temps en fait. En ce moment, je joue pas, donc je ne fais pas de vidéos mobiles. Pour ce qui est de mon passé de gamer, moi j'ai commencé sur Master System. Et en fait, je suis geek, mais j'ai remarqué qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est les ordinateurs. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Via ordinateur tout pourri. Mmh. Plus que les consoles. Ça s'est reporté aux consoles à force. Quoi. Je suis plutôt. Quoi ? Moi, je suis plutôt néo-rétro. Donc, j'aime bien ce qui est récent. Et j'aime bien ce qui est rétro. Donc, moi, je joue à tout. Je m'en fous. T'as été un grand PCiste quand même. Oui, à l'époque. Mais maintenant que je suis papa. Et que voilà. Moins PCiste. J'aimerais bien pouvoir me caler sur un PC. Mais c'est pas le même genre de temps. C'est plus compliqué. On est bien d'accord. Et voilà, donc ça fait à peu près... on a une vision de qui on est. Des geeks de 30 ans. d'une trentaine d'années. Ouais, certains proches des 40, d'autres moins. Bon, mais après, c'est la vie, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, un ou deux ans près, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ça, on a deux ans d'écart. C'est ça. Alors, je vous ferai un petit signe quand je voudrais que vous meubliez pour que je boive ma bière. D'accord, ça okay. marche. Allez, sur ce, on enchaîne directement. C'est geek ? La bière, c'est geek, ouais, ouais, comme c'est... la pizza et les chips. Ok, d'accord. C'est ce que tu regardes devant un film ou un match de foot, mais bon, moi, je suis pas foot. Bref, donc, premier sujet, enfin, deuxième sujet. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, quand vous avez du temps libre ? Alors, je pense avoir une idée, plus ou moins, mais qui veut prendre la parole ? Hop, hop, hop, vite, vite, non ? Qui ? Allez, celui qui s'est couché à 1h du mat ? Ouais, ouais, qu'est-ce ouais. Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à 1h30 du mat ? En ce moment, je suis sur God of War. Ah, sur ouais. PS4, le dernier, là. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, vaguement. Bah. Ouais. Le jeu est du meilleur de 2018, quoi. Et... Alors, il se tire la bourre. Ouais. Avec qui ? Avec Andy Dorn, je crois. Ouais, j'aurais dit Spider-Man. Ouais, mais il est sorti en décembre, quand même. Hmm, il est sorti en décembre. Ah, il y en a qui l'ont quand même élu meilleur jeu de l'année. Ah, ouais. Perso, moi, je ne l'ai pas essayé. Moi non plus, je ne l'ai pas essayé. Après, je ne suis pas trop Far West, quoi. Mais... Je trouve que c'est exagéré. Perso. Toi, tu l'as essayé, ouais. Ouais. L'ambiance est bien, mais comme j'avais dit, plutôt Spider-Man. Mais God of War aussi, j'attends de le tester. God of War, il est vraiment, vraiment terrible. Très beau. Niveau graphisme. Excellent. Ouais, franchement, c'est pour ça que je me couche tard. J'arrive pas à décrocher, quoi. Bah oui, t'as rêvé et tout. Donc c'est un jeu vraiment que je rush pas, quoi. Je, ouais. Prends, je prends le temps de le savourer. Donc généralement, ça, c'est un signe de te dire oui, le jeu est beau, le jeu est agréable et. Quand tu commences à vouloir moins rusher et plus vouloir explorer, faire les quêtes annexes et tout ça, oui. C'est un bon signe pour un bon jeu. Tu prends ton temps et tu profites. Tu pars en vacances dans ton jeu vidéo, ouais, tranquille. Exactement. Tu fais du bateau. Tu fais du bateau, ouais. Ouais. Ah, mais apparemment, les phases en bateau, j'ai entendu c'est dire. C'est un peu relou. Voilà, exactement. J'avoue. On lui raconte son histoire, Kratos. Papa, papa, raconte l'histoire. Ta gueule, ouais. Le canon, il est vraiment casse-couille, j'avoue. Ouais. Franchement, il pose toujours des questions à la con. Oui. Y a quoi dans l'eau ? Ta gueule. Tu vois pas, c'est des poissons morts. C'est un peu ça, ouais. Non, sinon, le gamin, après, tu t'y adaptes. Mais là, ouais, là je veux pas spoil, mais je suis dans une phase sans le gamin, c'est pas mal. T'as pas c'est sympa. De ce petit merde. Vive l'indépendance. C'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est plus rapide dans le jeu vidéo. En 10 heures, c'est bâclé, en 18 ans, pas forcément. Donc, God of War, très bien pour toi. Terrible. Allez, terrible. C'est tout ce que tu fais à part ça ? Film, série, Manga, je me relis les Satan 666. Ah oui, c'est vrai. Je suis bientôt à la fin pour ceux qui connaissent. Moi, je connais bien. Fournisseur officiel. En plus, c'était les tiens. C'était les miens. Ok, donc on va enchaîner directement sur Jimbo Seb. Vas-y, à toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Eh bien, en ce moment, c'est la période où je cherche un peu. Parce que pas de test en cours pour le moment sur le blog. Ouais. Donc... plus retaper les jeux qui sont sur la console qui sont pas encore finis. Ouais, t'en as quand même un paquet, non ? J'en ai pas mal. Parce que j'ai beaucoup de jeux, j'arrive pas à tous les finir. Donc, grosso modo, ce que je sais que j'ai fini l'année dernière, Spider-Man. Ouais. Detroit Become Human. Ah putain, j'en parlerai ça aussi, ouais. Ah ouais, excellent. J'en avais fini d'autres, je me rappelle. Plus. J'ai pas fini Monster Hunter. J'avais pas fini. Tu vas pas finir Monster Hunter. Ça me finit ça. Non, mais ce serait que la partie histoire. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas fini comme nous. Je l'ai pas fini. Pas, on l'a fait ensemble, mais je l'ai pas fini. Je suis pas allé jusque là. Non, bon. Donc. C'est con, il est bien. Monster Hunter. Non, ouais, le dernier. Plus de 200 heures de jeu dessus, ça peut être que bien. Ouais. Ouais. Ça fait 10% de mon temps de play. Depuis que j'ai la play, tu vois. Excuse-moi. Vas-y. Et non, le dernier. Titre en date qui m'a le plus, mais c'est Subnautica. Ah ouais, ouais, jeu de survie dans l'eau. Voilà, donc sorti sur PC début d'année 2018, sorti sur console fin d'année 2018. Et offert par Epic il n'y a pas très longtemps quand tu t'abonnais à son store, mais bon. De mon droit, oui. Ouais, ouais. Et très original, très bon jeu. Voilà, j'ai passé pas mal de temps dessus parce que c'est le genre de jeu qui me plaît en plus. Bon, faudrait que je teste. Il y a des genres de jeux qui me plaisent pas et que je teste pas parce que je sais que je vais. Mon ressenti sur ce genre de jeu va faire un mauvais test. Mountain Blade, par exemple. Non, c'est pas ça. C'était pas Mountain Blade. Non, Mountain Blade encore ça. Allait, non, c'était. Je me rappelle plus du titre. J'avais pris. Tellement il t'a passionné. Voilà, au tout début du blog, j'avais des tests, je les prenais. Non, faut pas le faire. Ça. Quand le genre de jeu que te plaît pas, faut pas prendre. Non. Très très mauvaise idée. Yes. Eh ben moi en ce moment, je fais quoi? Je fais du Dragon Quest 8 que j'ai racheté sur 3DS. Mmh. C'est un remake en fait, donc c'est pas le même que Play 2. Mmh. Et donc je l'ai fait parce que, en fait, c'est ce que je disais à Guy tout à l'heure. Quand vous avez eu la Play 3, moi j'avais pas encore la Play 3, j'avais pas de thunes. Donc je me suis acheté ce jeu sur Play 2. Ouais. Je suis pas arrivé au bout parce que je me suis acheté une console. Et donc je l'ai pas fini. Je l'ai voulu le recommencer il y a quelques années, ma télé a cramé. Et donc là j'ai dit, Nick, vas-y sur 3DS, je le prends, au moins je peux y jouer partout. L'avantage des consoles portables, comme la Switch. Et voilà, là je suis à 5 heures depuis le début de la semaine, tranquille. C'est le seul Dragon Quest que t'avais fait? Ouais. Après j'en ai fait, j'ai essayé d'en faire quelques autres en craqué, mais c'est chiant. Peut-être le 11 aussi va m'intéresser sur Switch, parce qu'en ce moment j'ai le syndrome Switch, je me dis, le jeu s'il sort, est-ce qu'il sort sur Switch? T'as bien de la chance, ça. Ah non, mais si, c'est ironique. Oui. Tiens, j'avais mis dans le conducteur, tu sais, pourquoi il aime pas la Switch? Mais elle est bien cette console, mais moi je me demande à chaque fois si le jeu il sort sur Switch. Je trouve que c'est intéressant de le faire là-dessus. Pour mon... Ouais. Oui, bon, on va pas rouvrir le débat. Non, ça risque de... Et c'est trop long. Et sinon, il y a Detroit Become Human donc, que j'ai fait une fois, qu'Alex a fait une fois et qu'on refait ensemble, histoire de, je sais pas, peut-être le compléter à 100%, même s'il y a pas mal d'embranchements. Mais je refais l'histoire et je vais faire de Marcus un enfoiré, ce coup-ci, c'est l'androïde. T'en as fait un... Ah, pas encore, là, je vais en faire un enfoiré. Tu vas faire un enfoiré? Oh, au départ, il est gentil, là, mais là, ça va être la révolte. Ouf. Ouais, non, mais même tu fais... Enfin, moi, j'ai essayé de faire des gentils de tout le monde et au final... Ah, si, t'y arrives quand même. Ouais, mais ça va pas servir. Des fois, il faut être un peu méchant. Ah, mais là, je vais être un enfoiré total, je te dis. Ouais, ça va être de la guerre. Quoi? Non, je ne connais pas le jeu. Franchement, j'aimerais le test, mais je te prête, c'est peut-être un de mes futurs achats. Oh, bah, peut-être. Comme c'est un très bon jeu, je pourrais bien le garder, quoi. En plus, il est joli et tout. Par contre, des fois, la caméra, quand je te l'avais dit, c'est casse-couille. Ouais. Tu peux pas la diriger comme tu veux, tu vois. Elle a des angles fixes, plus ou moins fixes que tu peux bouger. C'est rare que tu peux tourner. Elle t'impose ce que tu regardes, en fait. Ouais, un petit peu. Bon, franchement. Ça suit par moment, mais oui, souvent c'est imposé. Vas-y, laisse tomber, ça m'a pété les. Ouais. C'est chiant. Des fois c'est chiant. D'accord. Ouais. Donc c'est tout ce que vous faites en ce moment. Moi, après, je vois pas. Non, c'est que ça. Après, Netflix, quoi. Bon, si. Ouais, Netflix, ça révolutionne. On a tous les trois une grosse attente au niveau cinéma. C'est. Ouais, dans moins d'une semaine maintenant, nous allons aller voir le dernier Dragon Ball. Broly. Ouais, ça on l'entend. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Ouais, je pense aussi. Bah, je pourrais vous en parler maintenant, mais vous voulez pas. Alors. Non, on parle pas. Oui, parce que deux d'entre nous ne l'ont pas regardé. Espèce de spoiler. Sur internet, en vieux streaming dégueulasse. Ouais. Vous êtes nuls. Par contre, je suis content. Je tiens à souligner, je suis content parce que ça a été. Donc il sortira officiellement qu'au mois de mars, mais on a une avant-première. Le 24 janvier en France, quasiment dans toute la France. C'est vrai. Il y a on énormément pensait pas de l'avoir en plus. Et on pensait pas l'avoir. Donc franchement, ouais. Je suis plutôt content aussi. Ouais. Mais il sera en VOST, évidemment. Ah ben je pense que pour moi, il faut le regarder en VOST. Enfin, je suis d'accord. Voilà. Même si gamin, je regardais Dragon Ball Z en VF, est-ce que t'avais pas le choix? Moi, je vais pas savoir lire à l'époque. Et une fois que tu sais goûter à la VOST, tu peux pas t'en passer. Quoi. Donc Dragon Ball, semaine prochaine, je serai là. Je me speedais un peu à la débauche, mais c'est pas grave, je ferai l'effort, même si je suis... Tu sais qu'en plus de ça, enfin, rien à voir, mais je me suis aperçu qu'il passait au grand écran. Oui, c'est qui me l'a dit? Toi? Ouais, t'en as entendu parler? Ouais, voilà, bref, bon. Non, mais oui, bah, c'était plus à côté que d'aller péter au Megarama. Sur Bordeaux, il y a au moins 5 cinémas qui le passent le 24. Oui, mais alors que t'avais demandé en plus s'il le passait. Oui, il m'avait dit non. Voilà, on est d'accord. Voilà. Enfoiré. Ouais, oui, d'ailleurs, on est de Bordeaux. Je sais pas, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit, mais bon, ouais, voilà. Mais maintenant, ils le savent. Ouais, bah, ouais, si on était de Nantes, c'est chiant d'aller au cinéma à Bordeaux. C'est sûr que c'est loin pour aller voir un film. Ouais. Oui, on est les Bordelais. Et ici, on dit chocolatine. Bref, débat clos. Allez, on va enchaîner. Donc, vos coups de cœur de 2018, c'est la question classique de la fin d'année, même si là, on est plutôt au début de l'année, limite en février. Donc, est-ce que vous avez des idées, les enfants? Parce que moi, j'ai pris des notes. Vous m'avez dit, oui, moi, j'ai les trucs dans la tête. Donc, qui veut ouvrir le débat? On va voir si on est d'accord tous ensemble. Vas-y, Seb, à toi l'honneur. Alors, au niveau jeux vidéo, on va commencer par là. Ouais, moi, j'ai pris que des jeux vidéo. Je l'avais dit dans mon blog. Mon gros coup de cœur, c'est Spider-Man. Je m'en serais douté. Alors, pourquoi? Alors, j'ai aussi précisé, j'ai pas joué encore à God of War, j'ai pas encore joué à Red Dead. Donc il y en a qui m'ont sauté dessus, oui, non, c'est Red Dead le meilleur, oui, non, c'est God of War le meilleur. Je ne les ai pas essayés, donc moi j'ai fait sur ce que j'avais essayé. Voilà. En même temps, c'est plus simple pour choisir. C'est plus facile. Oui, après on ne va pas avoir un point de vue objectif. Enfin oui, objectif, oui. Parce qu'on ne peut pas tout testé. Et pourquoi Spider-Man m'a plu? Mais tout simplement parce que déjà je suis un grand fan de super-héros, ouais, donc ça aide, et que j'ai retrouvé les sensations que j'avais eues sur la série des Batman Arkham. C'est-à-dire que tu prends dans la peau du super-héros qui défonce tout le monde, et puis c'est cette sensation de liberté que t'as, ouais, quand tu diriges Spider-Man entre les buildings et tout, ça, c'est... Tu te promènes à New York. Ah, c'est quoi, la première grande claque que tu prends quand tu lances le jeu, quoi. Tu te balades dans tout New York, de toile en toile, comme ça. Ah, puis c'est Spider-Man, il a la classe, il est marrant, tu vois. C'est un des plus grands super-héros qu'on ait. Après, tu me l'as fait tester, mais tu vois, j'ai peur qu'à la longue soit lassant, en fait. De sauter de building en building, d'avoir des ennemis partout, soit toujours répétitif, en fait. C'est ça, le... Sur la fin, alors je l'ai fini à 100% pour le platiner tout ça, parce que je voulais le faire. Ah, on platine en ce moment. Ah, bah, platiner. On a platiné. Ouais, moi, je rush, alors chacun son truc. Et du coup, sur la fin, un petit peu, sur la fin, les 2-3 dernières missions secondaires, ouais, ça commence à me saouler. L'histoire principale, non, pas du tout. Ça va. L'histoire principale, elle est tellement... C'est un vrai scénario de film, quoi. Ça aurait pu faire un film... Tu sais, c'était fait avec les scénaristes? Non, pas spécialement. C'est vraiment... C'est quoi? C'est Rocksteady qui a fait le... Non, c'est Insomniac. Insomniac? Insomniac. C'est ceux qui ont fait les Arkham. Non, c'est pas ça. C'est Rocksteady qui a fait les Arkham. Ah, ben voilà, c'est pour ça que j'ai confondu... Et du coup, non, le scénario, studio. Il est... C'est les studios. Oui, non, mais c'est là où on voit la différence. Je suis capable de vous sortir des trucs comme ça. Bon. Attends, en plus, j'ai pas de mémoire, mais j'écoute tellement de trucs. Ouais, Spider-Man, il est sorti. Qui c'est qui l'a fait? Je m'en bats les queues, quoi. Honnêtement. Ah si, les studios, t'es obligé de savoir. Enfin, pas obligé, mais tu... Ah, il y en a qui t'ont un petit peu... God of War, Santa Monica. Eh. Oui, voilà. Ah, t'as vu? C'est vrai. Ah, c'est Santa Monica? C'est vrai. Je me rends carte quand je joue à un jeu. Bah voilà. Ouais, mais... Ah ouais, moi, je me retiens pas. Je suis dessus. Bah non, tu me demandes-moi dans 6 mois, ça se trouve. Ah bah moi, demande-moi demain. Tu vois. On rentre dans une génération où tu regardes les studios comme tu regardes les studios pour les films, en fait, un peu. Ouais, enfin moi, si alors tu vois que c'est la Fox, tu te dis oui, ça va être un gros film. Si tu vois que c'est un studio que tu connais pas, tu te dis qu'est-ce que ça va être. Moi, les films, je m'en bats les noms. Les jeux, un peu moins. Donc ouais, donc c'était coup de cœur. Donc sur le jeu vidéo, c'était Spider-Man. Ouais. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a eu comme coup de cœur? Ben là, cette année 2018 a marqué l'arrêt de la série Dragon Ball Super. Donc, une pause. Ah si, ça a été remplacé par Super Dragon Ball Heroes. Alors, ça n'a pas été remplacé. Il y a eu cette espèce de... Mais c'était à la suite. Hein. Combler un vide. Voilà, combler un vide. Voilà. Dragon Ball Heroes. On en parle, Dragon Ball Heroes ou... Non, enfin, peut-être plus tard. Si vous voulez en parler, on en parle. Attendez. Bah c'est bon, on a tout dit. Ouais, donc... Si, alors, un jeu, je t'ai dit, j'étais impatient. Apparemment, je suis sur le niveau de ça, ouais, je suis curieux de voir. Là je serais prêt à l'acheter sur la Switch. Mais c'est pas pour toi, c'est ton fils qui veut jouer. C'est pas, je jouerai sur la sienne. Ça c'est quand ça arrange. Eh ben oui. Ouais, moi j'ai peur que ce soit comme ça, c'est un jeu de cartes. Mais en même temps, c'est un jeu de cartes, donc c'est pas un vrai jeu. Donc sur la Switch, c'est très bien. C'est pas un vrai jeu. Mais... Avec ta race. Bref. Non, parce que j'ai peur, c'est qu'ils te vendent des boosters. Les enfoirés, ils en seraient capables. Ah, je pense qu'à la fin. Je pense si tu veux des packs. Ils annoncent plus de 3000 cartes, je crois. Non, c'est pas aussi énorme. C'est énorme, 2000, je crois. Ouais, enfin, c'est énorme, quoi. Moi, j'ai vu 1500 et 300 personnages, mais bon, après. Voilà, enfin, j'ai pas trop vu le. Ouais. Mais bon, ça, c'est pour vendre encore des. Putain, fais chier. Ah oui, là, non, mais la série est complètement faite pour vendre. Vendre des jouets, vendre des cartes. Ils te font même la pub à la fin du. À la fin de chaque épisode, ils te font la pub des nouvelles cartes qui sortent. Ouais. Donc, bon, c'est clairement vrai. Pour vendre. C'est vrai. Mais on dégraisse, les enfants. C'est vrai. Là, tu parlais. T'avais fini de parler pour tes coups de cœur? Tu veux enchaîner? Non, bah après, je crois qu'il s'est cœur, vite fait. Bah ouais, bah ça. Et coup de cœur cinéma, Avenger. Voilà, Avenger. Moi, je m'en branle, je l'ai pas vu. Alors, au moins, c'est réglé. Tu rates quelque chose. Je vais au cinéma. Moi, c'est bon. Allez. Pour ma part, 2018, c'est vrai que ça a été assez. C'était fourni. Ça a été fourni. Ouais. Franchement, ça a été fourni. Ouais. J'aurais bien mis God of War, mais je l'ai commencé que récemment, donc c'est pas possible. Bah, il fait partie de 2018. Hein. J'aurais commencé, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti d'ailleurs. Oh, en mars, je crois, non mars, mars, avril, oui, mars, avril, mars, avril. Mars, avril, comme ça. Ouais, comme ça. Oui, donc ouais, je pense que ça aurait été mon coup de cœur 2018. Après, il y en a pas mal qu'on a fait. Monster Hunter, qui est très prenant. Ouais. On a passé quelques heures. De toute façon, quand je me couche à 1h30 ou 2h du matin, c'est qu'il est prenant. Celui-là, c'est bien passé comme ça. Qui, Monster? Oui, oui, c'est ça. J'étais pas là parce que moi, 2h. Ah si, je crois, une fois. Ah, peut-être. Ouais. Une fois, on a dépassé minuit. Comment j'étais fatigué le lendemain. Non, j'ai fait beaucoup de soirées comme ça, à me coucher tard. Sinon. T'as pas fait de grosse licence. Horizon, je me suis fait Horizon Zero. Ah, ouais. Alors lui, tu vois, pour le coup, c'est 2017, je crois. C'est 2017. En 2017, ouais. Mais je l'ai fait en retard. Je fais tout en retard, moi, cherchez pas. Le jeu va valer le coup, celui-là, tu l'as patiné. Il vaut le coup. Si, après, un coup de cœur, ben, Jurassic Park. Jurassic World Evolution. Tu l'as bien torché. Tu l'as même platiné. Et je l'attendais pas là-dessus. Sur un jeu de gestion, jamais de Mais je t'en ai dit que moi non plus, je m'attendais pas là-dessus. Je me suis pas donné rendez-vous. Hein. Non. Et franchement, voilà. T'aimes les dinosaures, franchement, il est prenant. Il est très très prenant. J'attends de voir. Après, c'est le. Les jeux de gestion, ça plaît à partir du moment où le thème te plaît, je pense. Et voilà, déjà, il faut la compo. Ouais. Si tu me mets sur un truc de cirque, non. Ou en roller coaster, ou un hôpital. Voilà. Non, peut-être un hôpital, ouais, c'est bon. J'ai donné ça aussi. C'était sympa, mais c'est plus au goût du jour pour moi. Ah, ouais, j'ai vu vite fait des gens y jouer. Ouais, apparemment, il y a le truc où il ne faut pas mettre les carnivores, comme d'hab, les carnivores avec les herbivores. Il faut sécuriser son parc, les trucs électriques. Exactement, après, tu peux te faire des kiffs. Exemple ? Tu peux mettre un tyrannosaure avec un petit Galiminus, tu vois. Ah, je joue un Galiminus. Tu vois les Galiminus ? Oui, c'est un Galiminus. Ça court très vite, mais ça se bouffe quand même, quoi. Enfin bref, ouais, ça c'était pas mal. Après, niveau vert. Oui, moi bah, toi, du coup, PS VR. Ouais. Ah oui. Donc voilà. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être ? Faut savoir quand même que les jeux VR, j'en ai beaucoup grâce à Seb, du Bois Seb, qui teste les jeux et qui n'a pas de PSVR. Donc, du coup, il vient à la maison et on les teste ensemble. Et merci d'ailleurs de me proposer ton PSVR qui m'aide à tester des jeux VR. Donc ouais, j'en ai eu pas mal, mais je pense qu'on en retiendra un, ça sera Astrobot. Un top 3 comme ça vite fait, je pense qu'on peut le faire. En PSVR, pense le faire. Alors, moi vous m'oubliez parce que bon, je suis pas avec vous. Astrobot, Farpoint et Beat Saber. Cherche une bière, vas-y. Ouais, je... Comme ça là, sur un feeling, je te dis Astrobot, sûr. Je l'ai mis d'ailleurs moi dans mon top 10. Je suis pas jeu de plateforme, donc je mettrais peut-être Farpoint. Ouais. Astrobot 3ème. Ouais. Farpoint 2ème et Beat Saber. Beat Saber, c'est pour l'originalité, ouais. Ouais. C'est un jeu qui rappelle, je trouve, Guitar Hero, tu vois. Ouais, un peu, ouais. Et vachement rythmé. Alors après, vous l'avez essayé, mais ce que j'aurais dû vous faire essayer, c'est de le faire avec le casque. D'avoir le son tellement immergé que t'es vraiment dans le truc. Bah c'est le rythme est très très important en plus. Ouais. Non, après, ouais. Après, oui, qu'est-ce qu'on a testé en VR ? On en a fait pas mal cette année. On en a fait pas mal, mais c'est vrai que Astrobot revient beaucoup. Firewall, ça. Firewall, non. C'est pas le VR, Firewall. Bah apparemment, il a chié. Enfin, Non, il est pas bon. Défendez-le, les gars. C'est Bravo Team qui était pas bon. Ouais, Bravo Team. Bravo Team était pas bon. Firewall, c'est surtout un mode online, il n'y a pas assez de monde pour jouer dessus. Voilà. C'est un peu un Counter-Strike. Ouais. C'est carrément un Counter-Strike en VR, mais. Ou t'as envie de gerber, du coup. Si tu vas dans tous les sens. Moi, oui. Ce qu'on appelle le motion sickness, c'est ça ? Sickness. Motion sickness. Il a pas supporté. Moi, ça me fait rien, franchement. Apparemment, on s'y habitue. Moi, je pourrais pas. Mais moi, dès le début, je me suis habitué. Après, c'est vrai qu'apparemment, il y a des gens qui s'y habituent plus vite que d'autres. Et... Voilà. J'ai souvent entendu dire voilà, il faut jouer 5 minutes, puis après, tu refais 10 minutes, puis après 15 minutes, et comme ça, petit à petit, tu t'y habitues. Moi, je suis contre le VR, vous savez, de toute façon, ça m'isole trop. Je pourrais pas. Ouais. Déjà, quand je joue, je peux pas mettre mon casque sur mes deux oreilles. D'accord. Alors, le casque. Après, voilà, chacun son kiff. Alors, après, même si le VR, pour moi, ça va perdurer, ça reste quand même. Merci. Ça reste, comme tu dis, c'est quelque chose de plus solo, de plus... Ouais, attends les nouveaux casques, parce que là, avec la nouvelle génération qui arrive, on va avoir les casques autonomes, pas de fil, rien du tout. Alors là, on va encore rentrer dans une nouvelle dimension. Attends, j'attends de voir les odeurs. Ah oui, j'ai vu ça aussi, mettre un truc devant. Les odeurs devant le casque. Je suis un peu perplexe. Essaye d'immerger complètement, quoi. Ah super, tu vas voyager dans une crypte, tu vas avoir de la romantique, tu vas kiffer ta race. Mais quand par exemple on avait fait Resident Evil 7, Resident Evil 7 en VR, ouais. Ouais, celui-là je le mettrais pas dans mon top 3. Et pourtant il est excellent, c'est un vrai jeu VR. Ouais, mais en VR il fait flipper vraiment. Je sais pas, j'ai pas fait en VR. Il sait pas. Ah, déjà qu'il fait flipper sans VR. Ouais. Il est pas mal, mais là ouais, c'est la surprise et tout. C'est en VR, c'est chaud. L'anxiété enfin à fond. Et là tu vois, du coup t'es vraiment tout seul. Ah oui, là même si t'as du monde autour de toi. T'es livré à toi-même. Mais... Et ouais. Ah, ça peut celui-là. Prochaine expérience, tu peux l'avoir, Ace Combat 7, je sais pas si tu peux l'avoir, mais il y a 3 missions en VR justement dessus. Ah ouais. Ouais. Donc ça pourrait être sympa que faire un test croisé, tu vois. J'ai vu. Apparemment, c'est un jeu d'avion, oh là là. Il y a jeuxvideo.com, que je suis très fan de jeuxvideo.com, qui a sorti le test d'Ace Combat 7 aujourd'hui. Et en VR, il paraît que c'est terrible. Ben ouais, mais il y a que 3 missions sur tout le jeu. Alors est-ce que ça mériterait pas un patch? Parce que maintenant on peut tout patcher. Si, si, ça mériterait. Mais pour développer la VR, enfin si, plus de missions en VR, tu vois. De toute façon, il était attendu pour ça. Ouais. Clairement, il était attendu. C'est Ace Combat. Moi, j'ai toujours adoré les Ace Combat. Ouais. Et celui-là, il me tend très bien. L'édition c'était Air Combat, s'il te plaît. J'ai dit Ace Combat. Ouais. Ouais, mais c'est le 1, il s'appelait Ace Combat. Le 1 s'appelait Ace Combat, après ça s'appelait Air Combat. C'est Air Combat 7. Bon, pardon. Et toi ouais, c'est quoi, on était où? Ah, t'as fini toi, excuse-moi. Mais oui, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Sur les coups de cœur, il n'y a pas vraiment un coup de cœur, il y a plusieurs coups de cœur, je dirais. Ouais. Moi, j'en retiens deux. Pas possible. D'accord. Monster Hunter World, parce que bah, comme vous l'avez dit, pas 200 heures de jeu, parce qu'il y a ma femme qui a joué dessus, mais au moins plus de 150, qui représente 10% de mon temps de Play 4. Depuis le temps que j'ai la Play 4, ouais, j'ai vraiment kiffé. Je me suis tapé une petite session à 100 heures, bah 110 heures, et j'ai refait 40 heures après. Et là, je sais pas, j'adore ce jeu, la mécanique, je connaissais pas du tout. J'avais testé le. Il y en a que. Toi, tu l'avais fait sur PSP? Non, c'est, non. Alors, c'est toi. Moi, j'ai fait sur PSP, mais ça n'avait rien à voir. Et voilà, non, bon, moi j'avais testé la version Wii à l'époque. Relou. C'était chiant ou quoi? Bah, je sais pas, aller loin en fait. Alors, en fait, quand tu vois le chasseur, tu sais, quand il a son petit truc de efféminé, de ta fiole, j'aime pas, voilà. On dirait une fiotte, ça m'énerve. Alors que quand on commence à avoir des grosses armures, là, ça commence à être sympa. Ça fait l'homme. Ouais, ça fait l'homme. Et puis en plus, le côté ensemble, voilà, le samedi matin et tout, tu fais une petite session à trois pour te buter un gros cornichon, là. Ou le dragon ancien, on t'attend, Seb. Et voilà, oui. Et puis après, c'est vrai que c'est vite répétitif, toujours buter des monstres, après, pour faire tel équipement. Tu vois, chaque truc a ses faiblesses. Mais après, j'aime bien, il y a des petites mécaniques, il y a des stratégies. Là, il y a eu le BMOD, toi, t'as pas dû le faire, toi non plus, de Final Fantasy XV. Alors là, t'as carrément des mécaniques de MMORPG. Parce qu'à un moment donné, il fait tomber des comètes, donc il faut. Donc, les comètes tombent, il fait une attaque spéciale, là, tu te planques derrière les comètes pour pas suivre l'impact de son attaque. Ils font évoluer le jeu, quoi. Capcom là-dessus. Après, non, c'est un chapeau. C'est un RPG, c'est un très bon RPG. Hein. Ah ouais, ouais. Et il a toutes les mécaniques. Excellent. Donc, ça, c'était pour mon premier coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, bon, je l'ai fait en 2019, mais je le compte en 2018, du coup. Je fais l'inverse de toi. Detroit Become Human. Donc, je m'y attendais pas. Je l'ai fait pendant ses vacances. Et voilà, j'ai fait une première session. Ma femme en fait une deuxième. Et puis, on scotche dessus parce que super jeu narratif. L'histoire est bien profonde. Mais du coup, avec tous ces embranchements différents, à chaque, tu vois, il y a une vraie replay value. C'est-à-dire, on peut y rejouer bien, tu vois. Parce que t'as des chemins différents. Graphiquement, super, et la caméra qui me pète les doigts. Ça, je suis désolé. Scénario officiel aussi. Scénario très. C'est la force. Il y a des twists et tout, ouais. Okay. Quantic Dream, donc studio français malgré le nom, a toujours eu ce truc de trouver des scénarios accrocheurs sur des thèmes accrocheurs. Et il le traite. Et bien, tu vois aussi que le studio n'est pas à son premier essai parce que le jeu est vachement évolué. Tu vois, t'as vraiment une évolution entre Irene, Beyond the Soul. Mais après, c'est un traitement assez classique quand même. Tu vois, le questionnement est assez classique dans l'idée, c'est un peu Ghost in the Shell. Tu vois, je suis un androïde et c'est quoi l'humanité? Donc je vais pas te spoiler comment ça se passe, t'as dû entendre des retours, de toute façon. Pas spécialement. Non. Pas spécialement. Donc ça, je me spoil pas. Alors c'est un jeu d'Android. Ouais, enfin, j'ai essayé la démo, j'ai quand même essayé la démo. Il y avait une démo? Oui, il y avait une démo. Ah, mais je savais pas. Quelques jours avant la sortie du jeu. C'est tout début, je crois. C'est quoi, c'est les démos de 7 jours, là? Non, tu fais le premier chapitre. C'est quand ils sont sur l'immeuble. Ah putain, je suis con, je l'ai fait la démo. Bah tu vois. Mais ouais, avec Connor. Bah d'ailleurs, là où tu m'as dit, quand on joue à un jeu comme ça, il faut pas recommencer. Première mission, je le tue, le mec. Ah ben je l'ai recommencé. Attends, je vais pas faire toute l'histoire sans avoir Connor. C'est un point principal. Mais justement, non. Principaux. Ah si. Mais non. Mais chacun joue comme il veut. Parce que c'est là où justement... Chacun joue comme il veut. Enfin, je le dis, c'est pas... C'est pas une grosse surprise, c'est pas un gros mystère. J'ai déjà buté Connor dans le truc, alors que j'ai fait le scénario d'entrée. Mais c'est un androïde, donc en fait, ils te le rendent. Oui, mais je l'ai vu après, parce que sur un autre embranchement, effectivement... C'est pour ça qu'ils te disent bien au début du jeu, la première fois, tu le fais d'un trait. Eh bien, moi, je fais comme je veux. Ça casse pas la magie. Je m'en fous, on me dirige pas, je fais ce que je veux. Sinon, coup de cœur, c'est un peu tous. Ouais. Oui, vas-y, mais je t'en prie. Non, mais en tout cas, j'ai pas vu de jeu sur Switch pour tes coups de cœur. Ah ben non, t'en mets pas. Je cherche, tu vois, là, je suis en train de regarder la collection. Regarde, Non, Pokémon, non. Octopath Traveler serait pu, mais en fait, je m'y attendais. Je voulais tellement un bon RPG à l'ancienne qu'il m'a déçu parce que c'est pas tout à fait ça, mais il est pas mauvais. Quoi ? Octopath Traveler. Je connais pas. C'est un RPG en style 2D et 3D. Mais sinon, alors un jeu qui sera pas encore sur Switch, effectivement. Mais c'est une très bonne console. Alors, on va pas se chamailler là-dessus. Hein. On y arrive. Le jeu gratuit du PlayStation Plus de... Ah merde, je crois que c'était du début d'année. De décembre. Iconoclast. Alors, oui. Je m'y attendais pas. Mmh. Excellent. Bah, toi, t'as testé. Bon platformer ouais. 2D. Je sens super non. joli. Vite la 2D. Oui, je sais. Forme des boutons, Ah, c'est de la jolie 2D. Ouais, c'est de on la... peut faire que de la jolie 2D. De toute façon, ça vieillit pas la 2D. Mais... Puis... Non. Mais ça reste de la 2D, non ? Ah non, mais c'est réactif. Il y a des petites énigmes... Ouais, mais t'essaieras, attends, c'est bon. Je demande qu'est-ce, c'est pas de soucis. Ouais, mais toi, t'es pas rétro gamer. Hein. Ouais, il faut les beaux effets. Va jouer à. Faut en mettre plein la gueule. Sur le top 10 que j'ai fait de mon année, il y a beaucoup de jeux 2D. Il y a Sonic Mania, il y a Megaman 11. Ouais, ah bah moi, je suis pas fan de Megaman. Oh, Sonic. Ah, bah, Sonic, c'est du revu, non, tout mais ça. Mais non, c'est des nouveaux trucs. Non, celui-là, il est bien. C'est ouf. Hein. C'est fait par des fans, hein, ouais. Ah ouais, non. Mais... C'est comme Mario, ce sera jamais du vu du revu. Ah mais tu vois, c'est ce genre de truc. La Switch. On va revenir sur la Switch. C'est le genre de... c'est le genre de truc. Sonic et tout ça, pour moi, c'est du vu du revu. J'ai pas envie de me remettre dedans alors que j'ai passé mon enfance dedans. C'est fini, ça, c'est bon. On avance maintenant. Ouais, ouais, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Une nouvelle mécanique, non, je suis pas d'accord. Nouveau gameplay. C'est comme si c'était Uncharted, bah, le 4, c'est le même que le 1. J'y rejoue. Ouais, mais eh ça, si, ça a pas 30 ans. Et alors ? Mais Sonic, ça n'a pas 30 ans, il est sorti cette année. Oui, pourquoi ? Pour toucher, là, c'est le pour toucher jeu. Les plus jeunes de maintenant, quoi, c'est pour tout. Toucher la nuit, ouais. Et pour rappeler aux nostalgiques. Nostalgique, s'il te plaît. Nostalgique. Bon, sur ce, on va clôturer l'effet coup de cœur 2018. Et on va enchaîner sur un petit quiz que je ne vous ai pas préparé parce que bah, j'avais le jeu à la maison. Donc vous avez des cartes avec des cartes qui coûtent 1 point, des cartes qui coûtent 2 points, et le but c'est d'avoir le plus de points. Il y en a 15, alors on les fera peut-être toutes, hein, parce que c'est chiant. Donc c'est parti, qui veut commencer ? Vas-y, ça. Tu laisses la main ? Oui, allez. Ouais. Choisis la carte que tu veux. Celle-là. Ah, c'est moi qui la lis. Vas-y, bah, je te laisse la lire. Geek et Techno, attention, quel opérateur a provoqué en 2012 la folie générale sur les réseaux sociaux en annonçant un forfait à un prix défiant toute concurrence ? Oh la vache, là, je m'y attendais pas ça. Là. Tu pouvais répéter la question. C'est Free. Ah bah c'est Free a tout compris, effectivement. Voilà. Avec son forfait mobile 19,99€ par mois avec appel illimité sur les fixes et mobiles internet 3G jusqu'à 3 Go. Voilà. 19,99€. On était à combien à l'époque? On était à 50€ quoi. Pas loin, ouais. Presque. Oui. Sérieux? C'est avant que t'achètes, c'est quand t'avais ton iPhone. Alors à mon avis, ça devait pas être loin. Donc c'était une question à 1 point, tu gagnes 1 point. Eh bah ça me va. Il commence bien. Question facile aussi. C'est pas vrai, ouais. Je suis pas trop bien. Ah bah toi tu vas avoir une 2 points. T'es prêt ? Ah bah ça veut dire que c'est plus compliqué. Déjà. Oui, normalement. Alors on est dans Geek et Popcorn, ça concerne des films. C'est parti. Ouais. Pour que la DeLorean de Doc voyage dans le temps, à quelle vitesse doit-elle aller ? Oh, alors ça c'est une question. Doit-elle atteindre ? Oh, facile ! Oh putain ! Je te réponds de suite. C'est un podcast, on me voit pas lever la main parce que j'ai envie de répondre. Allez, alors, une idée ? Vas-y. Allez, et je veux. En même temps j'ai un doute. Non, mais attends, en plus, il faut la vraie version. Allez, t'as que quelques secondes. C'est là, pas 208. C'est une voiture, ça. C'est une DeLorean, vas-y. De quoi Nul. Non, tu veux te rappeler les points. C'est kilomètre-heure. Ah non, c'est des miles. Non, c'est des miles. Ah merde, la oui. Alors, vas-y, ça. Allez. Je crois que c'est 88. 88 miles à l'heure, voilà. C'est exactement ça. Mais je compte pas les points, c'était ta question. Hein, sinon, bon. Ah. Putain, mais c'est... moi c'est un de mes films cultes. La coup, tête de dégoûté qu'il a. Test. Le vert. Vas-y, Geek and Start. Geek and Start. Attention, jeu vidéo. Ah. Quelle est la nationalité du personnage de Vega dans Street Fighter 2 ? Il est espagnol. Exact. Les questions. Vega est un noble qui se cache derrière un masque pour céder à la violence, effectivement. En plus, c'est le truc de mariachi ou de sombrero. Ouais, ouais. Alors, attends, c'est une question à 2 points. 2 points, putain. Oh. C'était facile. 2 points. Bah ouais. T'es attendez, toi. Vous voyez pas, mais en fait, c'est truqué. Mais c'est truqué de rien du tout. Geek et Collant. Attention. Allez. Truc sur le super-héros. Cherchez l'erreur. Mister Fantastique, la femme invisible, l'éclair, la chose, la torche humaine. Tu peux répéter. Mister Fantastique, la femme invisible, l'éclair, la chose. L'intrus, il faut chercher l'intrus, quoi. Ouais. J'irai l'éclair. Bah, l'éclair, évidemment, ouais, voilà, il n'y a pas de raquette fantastique. Ouais, d'accord. Ton premier point, ça te fait quoi? Ça me touche. C'est émouvant, ça te touche. C'est bon, t'iras pas à zéro. C'est déjà pas mal. La jeune, allez. Geek and Chill. Geek and Chill. Ouais, mais ouais, elle, je sais pas pourquoi. Quelle est la première marque à avoir proposé des ordinateurs aux couleurs acidulées? C'est Apple, Apple. Bah oui, Apple avait dans les années 90 avec les G3, vous savez, les jaunes, les verts. Et... Oui, nous ne vivons pas dans le même monde. Ah bah, on vit pas dans le même monde. Il y a des vrais geeks et des faux geeks. Allez. Ah, mais... Oh, il y a que 3 points d'écart, c'est rattrapable. Ouais, il reste plus que 2 cartes. Attention. Un point. Comment s'appelle le monstre de Mario World qui passe son temps à kidnapper la jolie princesse Peach? Je dirais Bowser. Ouais, Bowser. Ah, ouais, tu vois. Ouais. Une question à 2 points. C'est une question à 3 points, ça. Non, l'autre, il a Vega. Et d'où vient Vega? Bowser. Il est sérieux, il a 2 points pour ça. Mais c'est plus compliqué que savoir qui c'est l'ennemi de Mario, quand même. Bref. Ouais. T'as une rose, allez. Allez, une rose. Geek and Strass. Quel prénom Robbie Williams a-t-il donné à sa fille en hommage à son jeu vidéo préféré? Zelda. Et voilà, question à 2 points. Zelda. Allez, on enchaîne. Vous savez, vas-y. Pas du tout. Ah merde. Geek and Strass. Un truc de gonzesse encore, ça. C'est la carte des roses déjà, donc. Non, c'est avec des stars. Comment s'appelle l'acteur qui a interprété Spock à la télévision? Mais vous êtes sérieux là? Je crois que même à l'aide, on n'est pas dans Big Bang Theory là. Ah bah justement. Justement, ils en parlent beaucoup, ouais, dans Big Bang Theory. Mais je regarde pas. Un coup? Non, je sais pas. Hein? Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, on est d'accord, Leonard Nimoy. Je crois que Guise, t'es mal barré. Allez, il reste 4 cartes. T'as moyen de remonter si tu fais. T'as moyen. Si je me plante et que tu t'ajustes. Voilà. Non. Ah si, 2 points et égalité. 4 points égalité. Allez-y, il y a 4 cartes. J'ai fait toutes les couleurs, la seule, allez. Ouais. Popcorn. Popcorn, ouais, cinéma, allez. Alors, quelles sont les 3 règles à respecter pour prendre soin de son Mugwai? Ah putain. Il y en a 3, hein. J'en avais oublié. Tu les as choisis ces questions ou quoi? Ouais. Ah ouais, mais c'est truqué, c'est ce que je dis, tu les as choisis. Non mais attends, je t'assure que je prends des questions à propos, tu ne jamais. Il faut. Eh non, eh. Bizarrement, il y a une question sur mon pseudo, quoi, tu vois. Bah oui, j'ai choisi. Non mais je t'en sors une, mon gars, jamais tu trouves. Alors. Pas le mouiller, ouais. Pas lui donner à manger après minuit, mmh. Et il faut pas la lumière du soleil. Bravo! Putain, et ça, tu vois, c'est qu'un point. Bon, là, tu remonteras plus, mais... Non. Question à 2 points. Dans Buffy contre les vampires, comment s'appelle la meilleure amie de Buffy? Cette jeune geek au début de la série qui devient une puissante sorcière. Willow. Ah, tu vois que tu arrives. 2 points. Allez, t'es les belles époques. 7 à 4. Attention, Seb, qui a créé Gaston Lagaffe? Ah, je sais, ça, tu vois, c'est vrai que c'est moi qui ai choisi, c'est une de mes BD préférées. Vas-y. Ouais, droite. Puyo, c'est les Schtroumpfs. Allez, je sais pas non plus. Non, je sais pas. Oh, c'est Franquin. Franquin, le putain. Le gars qui a fait Spirou. Bon, Guise, dernière question, on va dire qu'elle vaut 18 000 points. Ouais, si je réponds, je le défonce. Ah bah 18 000 points contre 7, je défonce. Entre 1983 et 1985. Ça commence bien déjà. Le monde des jeux vidéo. C'est ma date de naissance, nickel. C'est entre là et là. J'étais 84, par là. Le monde des jeux vidéo a connu un gros crash, dû en partie à l'arrivée des ordinateurs personnels. Quel jeu a permis à cette industrie d'éviter la faillite? Après, je sais pas, tu veux les 3 propositions ou... Il y a des problèmes. Ouais, quand même, ouais. Ah ouais, vas-y, ça me dit quelque chose. Il n'y a pas un truc par rapport au film Pixel? Super Mario Bros. Casse-brique. Space Invader. Space Invader, je dirais. T'es sûr de toi? Non, mais c'est, je dirais, c'est le truc plus rétro, je dirais. Eh ben non. C'est vrai? Eh non, c'est Super Mario Bros. C'est Super Mario. Ouais. Qui a fait relancer les consoles. Ah ouais. Eh ouais. C'est pour ça qu'il est en idolation. Petite quoi. Page d'histoire. Vas-y. Atari 2600, qui a créé le premier crack du jeu vidéo en 1983? Avec notamment son fameux jeu E.T. E.T. enterré au Mexique. Qui a été enterré au Mexique, c'était vrai, c'était pas une rumeur. Non, ça a été retrouvé il y a 3-4 ans. Quelques années. Ils ont retrouvé, ils avaient enterré toutes les cartouches de jeu en fait dans le désert au Mexique. Ils en avaient fait tellement que ça vendait pas. Vous regarderez le petit épisode de 10 secondes geek sur la chaîne Only for Gamers. C'est vrai. Ouais. Et du coup, bah, c'est Nintendo qui est arrivé avec son fameux saut... Seal of Quality, qui a promis que des bons jeux, c'était pas vrai d'ailleurs. Bon, enfin, les jeux Nintendo, je suis désolé. Oui, après, ils distribuaient le saut à n'importe qui. Voilà, les jeux Nintendo, ils sont bien. Et dont Super Mario, qui a relancé le marché du jeu vidéo. Le fameux crack de 83. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette émission? Waouh, je suis tout pour souffler. Tu te coucheras peut-être à 1h30 du matin, mais tu te coucheras moins con. Ouais. Je vais vous le dire, depuis tout à l'heure, on enregistre le micro, on a oublié de le brancher. Je suis déçu, en fait, c'est que le micro de la tablette. Bref. C'est pas grave. On enchaîne, on a... Bah oui, il y a ceux-là. Mais c'est bon, tu peux parler, t'as le droit de le dire. On prend des sécurités parce que c'est la première. Bref, on enchaîne. Allez, vas-y. Alors, ça, je pense que c'est Seb qui a mis cette question sur le conducteur. Non, c'est pour moi. Ou contre... Non, c'est pas moi. Ah bah, j'ai fait un super conducteur qu'on peut modifier en temps réel, t'as rien mis du tout. Si, j'en ai mis une. Ah ouais? Oui, la dernière. Les attentes? Ouais, c'est moi. Ok. Bref, pour ou contre le remake de Resident Evil 2? Alors, moi, je voulais faire par extension pour ou contre les remakes en général, mais on va d'abord parler du remake de Resident Evil 2. Donc, ouais, comme ça, on pourra faire après le général. Qui veut ouvrir le débat? Ah, vas-y. Pour ou contre le remake de Resident Evil 2? Bon, moi, j'ai eu un petit problème de réseau, donc du coup, j'ai perdu 10 minutes sur la démo de 30 minutes, qui n'est pas renouvelable. On en parle vite fait de la démo, dire que c'est une grosse arnaque ou... De quoi? Ce qui se passe pour dans les la 30 démo minutes, que... Non, pour les 30 minutes, il n'est pas très content. C'est une démo. Ouais, mais là, c'est clairement pour vendre. Bah, oui. Moi, je pensais que c'était 30 minutes, et puis après, tu dois recommencer, tu vois, 30 minutes. Non, c'est 30 minutes, jeu, 30 minutes, tu balances le truc, quoi. Après, c'est plus décevant que Resident Evil 7, où on a eu une démo en tiroir plusieurs fois. Oui. Tu vois, où il y a eu le Begin Hour, Kitchen, oui. Effectivement, c'est un type de démo différent. Moi, je ne peux pas trouver que c'était normal, je trouvais que c'était rapide. N'est-ce pas, Guise, qu'on a 20 minutes de jeu? Rapide. Ah oui, rapide. Rapide, je croyais rapide pour finir la démo. Non, rapide parce que ça passe très vite. Non. Alors, le jeu est super beau. Oui, il est super beau. Oui, Léon, il est très beau. Hein. T'as vu comment il est? Ah, enfin, je kiffe. Attention. Une mi-molle. Non, c'est bien fait. Par contre, ouais, c'est vrai que. Bon, on parle de la démo ou on parle du remake là? Non, on parle du remake. Enfin, ce qu'on a de la question, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le remake? Oui, oui. D'accord. Après, on peut parler de démo. Ça, oui. Moi, je suis pour, franchement. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est l'un des jeux qui a quand même marqué la PlayStation, je dirais. Mmh. Oui, clairement. J'ai dû passer quelques temps à jouer là-dessus et ouais. ça m'a rappelé mon enfance, ouais. Le 2 et le 3, en plus, c'est il est joli, quoi. Graphiquement, pour ce que c'est du Resident Evil 2, quand même, ça reste quand même. Ah, puis on change tout. Tu vois, c'est la 3D temps réel, bon, heureusement. L'angle de caméra est plus pareil, parce qu'on avait caméra fixe, on avait le perso qui bougeait en tank. Oui. Bon, à l'époque, c'était cool. C'est la marque de fabrique un peu des Resident Evil à l'époque. En tank, moi, c'est pour ça. Bah, tu sais, en fait, pour avancer, t'appuies en haut. Mais même si t'es tourné à droite, t'appuies en haut, il avance ton personnage. Et tu peux, quand t'appuies à droite ou à gauche, elle fait plein de caméra qui est fixe. Et puis. Ouais. C'est pour ça que j'y jouais jamais. Et c'est pareil, la caméra, elle est pas un peu décentrée façon Resident Evil 5? Si, un petit peu, quand même, ouais, si. Caméra à l'épaule. D'accord. Si, ouais, en TPS, ouais. Mmh. Oh, c'est pas mal. Ah, si. Parce qu'après, Capcom, chaque fois, ça change. Mais moi, je suis pour le remake. Il s'adapte également. Moi, je suis pour, ouais. Franchement, je pense que je pourrais investir dedans. Oh, putain, j'ai vu, il était pas cher à Leclerc. Précommande à 40 balles. Putain. Ah, pas cher. Et j'ai pas 40 balles. Mais je peux attendre. Parce qu'ils vont me faire le coup de Resident Evil 7 à faire des extensions après, ces bâtards. Oui, possible. Capable. Et non, pareil, mais pour, parce que déjà, c'est, je pense que c'est le jeu que les fans attendaient, le 2. Moi, si on m'aurait posé la question, j'aurais pu dire le 3, ouais. Parce que le Nemesis, j'ai adoré. Mais clairement, le 2, c'est celui qui a quand même le plus beau scénario des trois premiers. Je crois que c'est qu'avec toi que j'ai vu la fin. Ouais. Ah ouais, moi je l'ai fait avec toi le jeu. Oui, on l'avait fait ensemble, exact. Je m'en rappelle même. Moi je jouais pas ça à l'époque. Et donc, ouais, donc c'était celui que. Est-ce que le 1, on l'a déjà bouffé deux fois. On n'a pas bouffé un remake, on a bouffé un remaster. Deux fois sur GameCube, ouais. Et là on l'a aussi sur PS4. Ouais, je l'ai fait, mais il était bien. Il était sur PS4 d'ailleurs. Alors, c'était un remaster. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai fait. Oui, mais alors tu vois, l'avantage c'est que c'est un remaster. Dans la version GameCube, on avait les contrôles toujours à la con tank là. On avance. C'est vrai. Dans celui de PS4. Ouais. Tu peux faire le choix. Voilà, tu bouges, ou t'es en classique ou tu bouges par rapport à la caméra. Ouais. Et du coup, là, je suis presque arrivé à la fin. Voilà. Je l'ai pas fait parce que je suis une merde, mais je suis presque arrivé à la fin. Et je pense après un Resident Evil 7 quand même, qui, même si il avait un esprit beaucoup plus malsain. Ouais, dérangeant. Ouais. Ouais, c'était vraiment le jeu qui te gênait, bloc. Qui était bien, mais qui te gênait. Non, le 2 va faire du bien à la licence, le retour va perpétuer la licence comme ça, et peut-être annoncer 8 plus tard avec autre chose, je sais pas. Moi je dirais bien un remake du 3, tu vois, dans la lignée. Le 2 et le 3 se suivent beaucoup, je trouve. Moi J'aimerais bien voir le 3. Parce que au niveau du scénario, le 2 et le 3 se passent quasiment en même temps, il me semble. Et c'est pour ça. Ils se passent en même temps, ouais. Je sais plus avec qui ça se passe, le 3. C'est avec... Jill. Jill. C'est Jill du premier. Du 1. Ouais. Donc moi, pour aussi. Pour le remake. Ouais. J'étais un de ceux qui l'attendaient, ouais, clairement. Le renouveau de la licence. Ah ben moi aussi. Je l'attendais fébrilement, mais je l'attendais. Mmh. Et depuis que j'ai testé la démo, je... Carrément, moi aussi je pourrais essayer. Après la démo, comme dit Seb, c'est peut-être pas pour vendre, mais elle demande que ça, ça te demande qu'à rejouer. Ben oui, mais c'est, ils sont pas cons. Au bout d'une demi-heure, franchement, moi je suis pas arrivé très loin. Hein. J'ai voulu prendre mon temps, parce que tu cours pas dans le jeu, tu fais attention. Non, attends, t'as vu le passage quand tu vas... Tu sais, quand tu rentres dans le commissariat, tu fais la première porte. Et là, ouais. Les zombies se relèvent, ces bâtards. Et puis je sais pas, moi je me suis mis dans l'ambiance. J'ai éteint la lumière, j'ai mis le casque. Je peux te dire, j'ai sauté 2-3 fois du canapé. Franchement. Ah, oui. Ah mais franchement. Des petits mouvements, vous voyez pas, mais je fais des mouvements. Comme je disais avec toi aussi, le truc du couteau qui se plante dans le zombie et qui reste dans le zombie, t'es obligé de venir le récupérer après. Ouais. Enfin ça m'a agacé aussi. Bah, je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, du coup, pardon, je te coupe, mais du coup, c'est vrai que ce matin, je t'ai pas dit, mais je lui ai planté mon couteau dans la bibliothèque, là. Mm-hmm. Et en fait, c'était la fin de la démo. Donc, je n'ai pas pu savoir si je pouvais la récupérer. Quoi. On peut le récupérer. Si, on récupère sur le... J'étais frustré. Merci d'avoir joué la démo, veuillez acheter le jeu. Moi aussi, je suis frustré quand c'est connard et tout. Tu vois qu'il va t'agripper, tu peux rien faire. Putain. Ouais. T'as envie de lui dire, j'appuie sur R2, même si j'ai pas dégainé mon gun. Vas-y, mets-lui un coup de poing, là, sa mère. Sans déconner. À la fin de la démo, c'est quand même limite s'il ne te demande pas ton numéro de carte bleue. De la façon qu'ils te le disent, franchement. Ouais, ouais. Capcom. Bah, je te jure, ils te montrent une belle bande-annonce et tout. En attendant, c'est Capcom, tu vois. Moi, je suis confiant de Capcom parce qu'ils ont toujours su trouver le bon truc avec Resident Evil. Oh oui. Je veux dire, c'est la seule série qui a suivi l'évolution, tu vois. De la PlayStation 1, t'as eu les caméras fixes. Après, l'autre génération, t'as eu vu TPS. Ils s'adaptent. La dernière, un FPS, bon. TPS. D'accord. Définition du caméra TPS. Caméra à l'épaule, derrière toi. Comme dans Resident Evil 5. C'est voilà, ça. C'est que ça. J'ai pas aimé du tout. Mais bon. C'est le 4 alors que t'avais kiffé. Le 4 6. Et le 6. Ouais. Il saute. Ouais, il aime pas les numéros impairs. Voilà. Le 7, il a pas joué, tu vois. Il a pas joué longtemps. Si, j'ai joué, c'est en VR. Je l'ai fait beaucoup en VR. J'étais bloqué, ça m'a gonflé. Voilà. À peur, hein. Ah, mais t'es courageux, l'en fait en VR. Bon, les enfants, on est presque à 50 minutes de... d'audio, ce qui est plutôt pas mal, tu vois. Je m'attendais à. À moi bah, non, je sais pas. En fait, je m'attendais, je me dis, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous voulez continuer sur les. Alors, est-ce que vous voulez faire un point sur les remakes? Personnellement, je suis pour les remasters en général. Les remakes, ça dépend quand ils sont bien faits. Et je cracherai bien sur Final Fantasy VII, mais je le ferai pas. On va attendre un peu. Bon, quand on a encore quelques années, je pense. Ouais. Avant de le voir. Je suis pas pour les remasters. Comme je l'ai dit, tout ce qui est Sonic, Mario et tout ça, ça me gonfle. Crash Bandicoot, t'es content d'y avoir joué? Ouais, mais vite fait, tu me l'aurais mis en émulateur, ça aurait été pareil, quoi. Alors, je suis d'accord parce que je l'ai fait en émulateur. J'ai aimé. Mais pour ceux qui en veulent, si, pour les nouveaux joueurs aussi. Mais voilà, après, c'est de la 3D. La 3D, tu peux bien faire. C'est pour les plus jeunes, on est d'accord. C'est pour revendre. C'est tout, pour moi, c'est ça. À l'époque. Non. Pour les, vraiment les nostalgiques qui ont vraiment envie de le refaire. Mais sinon, pour moi, je sais pas, si j'ai dû jouer 2 heures, c'est déjà bien. Là. C'est quand même plus plaisant à faire. Là, c'est avec des jeux graphismes qu'à l'époque. Je suis d'accord, mais je préfère les remakes. Tu me fais un Crash Bandicoot remake, je serais quand même plus content. Bah, l'histoire change, le scénario, le gameplay. Tu vois. Là, je vais être plus attiré. Je peux comprendre sur aussi le remake que sur le remaster. Ah, moi, je dis trop rien sur les remasters parce que j'en ai un que j'attends cette année, c'est celui de Medieval. Ils font un remaster de Medieval, ouais. Clairement, je l'attends. Parce que j'ai adoré Medieval. Ouais, c'est confirmé. Ils sont pas parus dans la PS Classique, qui a fait des superbes ventes. Je sais pas si vous avez entendu. Oui, bon. C'est dommage, je ne pas mis en sujet ça. Ouais, un mois après, en fait, elle est passée de 100€ à. Maintenant tu vois, là, il y a même certains qui la vendent à 30 maintenant. Hein. Voilà. On la trouve à 30. Parce qu'ils n'ont pas mis Crash parce que. Oh, il y a eu un remake HD. Ils n'ont pas mis Spyro. Bah, c'est normal, il y a eu un remake HD. Et Medieval. Et il va y en avoir. Plus l'émulateur. Ils n'ont pas mis Resident Evil, non? Ah, bah je crois qu'il n'y est pas. Non, il n'y a pas de Resident Evil. Non. Mais voilà. On a tout dit. Au revoir. C'est de la merde. Bref, on va enchaîner sur la dernière partie qui sont. Ah, bah ouais, bah voilà, le classique aussi en début d'année. On a eu les coups de cœur 2018. Maintenant, c'est quoi vos attentes pour 2019? Qui veut ouvrir le débat? Moi, j'ai une liste. Petite liste. Oui, c'est une petite liste. Je suis obligé, je pense à trop de trucs. Préparé, quoi. Il y a une petite liste de je vais commencer. Moi, j'ai vraiment deux jeux en tête. Ma bite et mon cul. Ah, super jeu. Le con. Non, c'est... beaucoup joué avec ma bite. depuis pas mal d'années. Non, c'est vrai, faut pas. Il y a un remaster ou un remake comme prévu? Non, une évolution constante. Ah, d'accord. T'inquiète pas, elle s'améliore. Bref. Pour fin février, j'attends Overkill The Breaking Dead. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Ben voilà, c'est un jeu. C'est un jeu de survie, quoi. C'est déjà pas mal. Non, c'est un jeu de survie, pour ceux qui connaissent Breaking Dead, quoi. C'est des zombies. Après, j'ai pas vu trop de vidéos là-dessus. Ouais. Mais je pense que tu vas devoir chercher des ressources, t'en sortir. Y a peut-être pas spécialement d'histoire. Ouais, ça a l'air d'être comme un jeu tous les Breaking Dead. À balancer sur Switch, ça. Un bon jeu, encore. Non. D'attaque. Non, parce qu'il y a du graphisme de fou, tu vois. Super, Walking Dead. On pourra faire sur le prochain podcast un spécial Switch, tu vois, pour une fois pour toutes qu'on se mette d'accord là-dessus. Puis, Ah, mais si tu veux, on pourra faire un sujet là-dessus pour dire que c'est la meilleure console au monde. Bref. Et ouais, donc, t'as dit quoi? C'est quoi? Fear the Walking Dead? Overkill the Walking Dead. Overkill the Walking Dead, encore. Oh putain, je sens que tu vas être beaucoup à y jouer. Toi. Oui. Et après, j'en ai un autre fin avril, Days Gone. Ah, qui est un peu dans le même style, avec des hordes de zombies et tout c'est ça. La même chose. Après, je pense pas qu'il y ait autre chose. Vous allez peut-être pouvoir me la prendre au courant de l'année. Tu t'en branles. Je sais pas si l'année 2019 va être aussi belle qu'en 2018, mais il va y avoir du jeu quand même. Moi, je rebondirai sur. Oui, après, si t'as marqué que j'ai des jeux sur Switch, c'est normal, mec. Ah non, il y en a que deux. Après, je suis pas au courant de tout. C'est ça, tu vois. Ah bah, je sais. Donc, justement, tu rebondiras. Nous sommes réunis autour de cette table pour que. Pour qu'on puisse sacher. Sacher tout. Pour moi, c'est bon. Après, en film ou quoi? Non, rien de. En film? Ça peut. La semaine prochaine, on va voir Dragon Ball. Ouais, c'est déjà une grosse attente. Après, niveau cinématographique, je suis pas trop porté là-dessus en ce moment. On s'en bat les couilles. Ouais. Pour l'instant. Ouais, ouais. La suite de Jurassic World, non? C'est pas cette année? Non. Il n'y a pas eu de suite déjà. Bah, y a pas de suite, mec. Je suis même pas sûr que. Pour le moment, ils en parlent pas. J'en ai pas entendu parler. Non. Non, pas pour le moment. Yes! Donc alors, les grosses attentes de 2019 aux jeux vidéo, ouais, bon, on en a plus ou moins parlé. Ben, il y avait Resident Evil. Ouais. Il y a Devil May Cry 5. J'aimerais bien voir aussi ce que ça a donné avec toutes ces années d'absence. Alors, apparemment, ça revient à une formule plus classique. Vraiment du beat bémol. Ouais. Donc, bon, après. C'est de la curiosité, c'est pas une grosse attente, c'est de la curiosité. J'ai beaucoup de curiosité plus que d'attente. Ouais. Voilà. Ça n'a pas été confirmé. Là aussi, ça va être. Plus de la curiosité, ça n'a pas été encore sur-confirmé en 2019, c'est le nouveau jeu de vidéo Kojima. C'est Kiro. Non, c'est... T'es sûr que c'est pas Kiro? Genre putain, je l'ai entendu tout à l'heure. Death Trading, je crois que je le prononce. Death Trading, oui. Ouais. Je prononce très mal en anglais. Ouais, mais je crois que je l'ai mal prononcé. Mais celui-là, il n'est pas pour 2019. Ah, c'est pas impossible, ouais. Ça n'a pas été annoncé. Parce que c'est tout le temps propulsé, donc... Ouais. Alors, moi je l'attends parce qu'en fait Hideo Kojima il s'est fait un nom clairement dans le jeu vidéo mais avec surtout Metal Gear Solid, on est d'accord. Donc il a quitté Konami parce qu'il y a eu, peu importe des histoires, tout ça, il est venu chez Sony. Et maintenant je veux voir avec ce jeu s'il est vraiment capable de d'être celui qui dit, c'est-à-dire ce génie. Quand même. Moi personnellement, je suis fan des Metal Gear, les scénarios, j'ai accroché. Quand j'ai entendu parler de ce jeu, je pensais à toi direct. Ah ouais, donc maintenant, je pense que ça va être. C'est clairement fini les Metal Gear, puisque la moitié lui appartient, l'autre à Konami. Enfin, non, les Metal Gear sont à Konami, mais bon, avec lui, ça sera plus possible dans le Ouais, la marque Metal Gear, c'est Konami. Voilà. Et donc, je suis curieux de voir ce qu'il est capable de faire maintenant. En plus, avec les technologies aujourd'hui, je sais que quand avant de se lancer dans le jeu. Il est passé par tous les studios possibles dans le monde, il s'est renseigné partout, il s'est renseigné sur le VR, enfin, il a fait un travail de fou sur ce jeu, il s'est entouré d'acteurs connus, donc vraiment, Norman Reedus, c'est ça qui joue dans The Walking Dead? Franchement, son nom. Je crois que c'est... Je m'en rappelle plus, enfin, mais oui, c'est un personnage, ça, c'est... Ouais, merde. Ah ouais. Qui devait justement jouer Daryl. Daryl, bien vu, tu regardes pas, mais bravo, joué. Ah, mais je regarde pas, mais ouais, attends, bien t'inquiète. Joué, bien joué. Je peux te dire des trucs sur Walking Dead, moi, sans regarder. Ouais, mais me spoil pas quand même. Je sais pas, t'en es où? Bah, je sais pas, je sais pas. Oui. Ah, bon, c'est bon. T'as vu qu'on est mort? Ouais. Ah, bon, c'est bon. Mes enfants, ils meurent tous. Ouais, mais lui, t'as vu comment il se fait. Bon, bref. Tu regardes toi aussi? Non. Ah, bon, c'est bon. Je compte pas regarder. Et vous, vous regardez. Alerte spoil, trop tard. Bref. Donc à la base, l'acteur devait participer au jeu de Silent Hill, que Kojima devait reprendre. Ouais. Oh putain. Ah ouais. D'ailleurs, pour moi, ça aurait été bon ça. Resident Evil 7 serait pas ce qu'il est sans. Non, mais clairement. Mais je crois qu'ils l'ont dit qu'ils sont vachement inspirés. Ouais, ils l'ont dit. Ils l'ont dit qu'ils sont inspirés de Pity, la démo Pity. Ouais. La démo de Silent Hill là avec. Oh ouais, ce truc de psychopathe. T'es dans l'école là au début ? Non, tu sais, mais non, la démo de PS4. T'as le géant qui te poursuit avec une main comme ça dans un couloir. Non, mais elle est pas disponible. Mais je l'ai jamais fait. À l'époque, c'était un truc de ouf. Ouais. Ça, c'est, franchement, c'est psychopathe. Ah, c'est psychopathe. Silent Hill, vraiment. J'aurais aimé qu'il le fasse. Moi aussi. Tout le monde l'a regretté, mais bon. Et donc voilà. Donc moi, j'attends ça. Je suis très curieux si ça sort cette année. Parce que je veux voir la capacité de Kojima aujourd'hui. Parce que je sais qu'il a toujours eu un avance sur son époque. Je veux voir aujourd'hui s'il est encore capable de nous surprendre avec des jeux comme ça. On verra bien, il n'y a rien d'étonnant. Il a beau être peu vieux, le petit pépère, il peut gérer. Et après, cinéma, comme tu l'as dit, Dragon Ball, j'attends la suite d'Avengers, j'attends Captain Marvel, il y en a quelques-uns que j'attends. Moi j'attends Détective Pikachu. Ah si, il y a Star Wars à la fin d'année. Star Wars. Ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'il sortait le film. Détective Pikachu, mon gars, c'est une vraie curiosité. Rien que le trailer, il me fait mourir de rire. Bon. Avec la voix de Ryan Gosling, c'est ça ? Reynolds, putain, je me suis entraîné tout à l'heure à dire Ryan Reynolds. Et t'as dit Deadpool. Le mot. Oui, mais j'ai cherché. Ça a l'air super sympa. Ça a l'air rigolo, hein. Je demande à voir. Bah écoute, de toute façon, hein, j'irai pas le voir au cinéma, hein. J'attendrai qu'il sorte à la télé. Pourquoi pas ? Parce que j'ai pas le temps pour le cinéma. Donc, tu vas dans la semaine prochaine. Moi j'irai sûrement au cinéma, au moins pour mon fils, quoi. Mais moi je vais payer pour ma fille. Tu peux y aller pour toi. Ouais. Bon bref, mes attentes pour 2019, je vais commencer par quoi ? Donc Pikachu, je coche. L'extension d'automne pour Monster Hunter, je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner. Et je me demande si elle est payante parce que je... Ah oui, c'est vrai qu'on en avait entendu parler. Ouais, Iceborne, je crois. Ouais. Connaissant Capcom, ce sera payant. Ah, je me dis, pour un jeu comme Monster Hunter, ce serait chiche de payant. S'il y a deux éditeurs qui sont bien crado là-dessus... qui aiment l'argent... qui aiment le fric, c'est Capcom et Bandai Namco. Ah, Bandai, ils sont forts. Hein. Ah oui, non. Inculé tout ce qu'il peut te faire. Ouais, Capcom, je sais pas. Bah, peut-être, après, je sais pas. Ça a l'air d'être une grosse extension. Hein. Un bon contenu en plus, donc potentiellement, je me dis qu'effectivement, ils risquent de nous faire raquer. À voir, je suis curieux. Alors, si je dois raquer, est-ce que je reviendrai sur le jeu ? Je sais pas. On verra bien. Je pourrais vous pousser. Moi, on verra. Donc, il y a l'extension. Alors, j'aimerais avoir aussi des nouvelles sur FF7 Remake. Il faut que je le replace une deuxième fois. Histoire de savoir si je lui crache dessus ou pas. C'est un remake. Justement, là, je pourrais préférer un remaster. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent, ouais. Si tu avais dit je l'achèterai à la PS4 que quand il sortira. Ah ouais, putain, c'est bon. Tu aurais toujours pas la PS4. Enculé. Ah ouais, c'est vrai qu'à la base, j'ai acheté la PS4 quand j'ai su qu'il sortait. Ouais. Et quand je sens que ça va être du caca, putain. Moi, l'action RPG, ça me plaît pas. Je sais pas, en fait, si le problème de ce jeu, c'est pas le. L'engouement qu'il a apporté. Ouais, la hype qu'il y a. C'est le 3 qu'il a été. Que les premières images ont été annoncées. Ouais. Putain, ça a créé une tollée générale. Oui, je me rappelle le matin, donc le 3 c'était pendant la nuit. Le matin, les gens ils étaient comme des fous sur les réseaux sociaux, machin. Et je pense qu'en fait, je crois qu'ils ont la trouille de se planter. Ça peut leur coûter très cher. Moi, tout ce que je voulais, c'était un remaster. Le même jeu, avec des putains de graphismes. C'est tout, vous emmerdez pas à faire. Ouais. Faites du Capcom, voilà. Faites-nous un Resident Evil. Tu vois, Capcom, ils ont fait Resident Evil, tu vois, c'est le même jeu, en plus joli. Point. Là, il nous fait un remake avec un système d'action. Quand tu vois comment le 15 il a fonctionné. Bref, je sens que. Bon, bref, j'ai envie de cracher dessus. Ils ont j'attends qu'il sort. De jeux épisodiques. En jeu épisodique, en format épisodique. Va te pendre. Franchement, Square Enix va te pendre. Laisse tomber Final Fantasy. Seul truc où ça va être, on peut être sûr que ça va être méga joli. Je te le garantis, c'est une vitrine technologique pour Square. Ah oui. Mis à part ça, ça va être un jeu de merde. Bref, ouais. C'est mon avis, hein, c'est subjectif. Troisième truc, j'ai WoW Vanilla, je sais pas si vous avez entendu parler. WoW, vous voyez ce que c'est le jeu ? Mm-hmm. World of Warcraft. Mm-hmm. Vanilla, ils veulent ressortir en fait le WoW d'origine, sans extension, du niveau 1 au niveau 60, avec des graphismes améliorés, avec les mécaniques d'époque. C'est demandé par les fans. Sur quelle plateforme ? PC. PC et la plateforme ultime. Devant les consoles, tout le merdier. Tout dépend le jeu que tu emploies. Voilà. Donc, je t'aime pas, toi. Elle a pas placé la Switch dans le truc. Bref, le lance pas là-dessus. Tout dépend le jeu. Après, j'avoue, le PC, on a tracé du Guild Wars. Du Guild Wars. Ah oui, là, j'avoue. Counter-Strike. Ah ben. Les mêmes MMORPG, là, je suis d'accord. Mais les FPS, je suis d'accord. Sur une manette, c'est pas aussi plaisant. Ouais, d'accord. Mais FPS, on est d'accord que c'est quand même mieux à la souris et clavier. Ah oui. Je me suis habitué quand même à la manette. Oh, mais c'est vrai que c'est pas actif, c'est pas précis. C'est un peu galère. C'est du FPS. Mais pourtant, il y en a qui kill à gavé. Hein. Ça les dérange pas à la manette. C'est quoi qui kill. Oui, qui kill. Bon, bref, je veux pas rentrer le sujet. Je suis impatient de voir ce que donne WoW. Moi, j'ai testé un peu avec les extensions. Apparemment, le challenge était plus compliqué à l'époque. Donc, j'ai envie de voir. J'aime bien les. Puis ça fait un moment que je me suis pas posé sur un MMO. Donc, ça va être la bonne occasion. Donc ensuite, je vais enchaîner sur Pokémon 2019. Ah, un jeu sur Switch. Histoire de voir ce que va donner... Oh, encore un Pokémon. Oui, non mais là c'est la vraie expérience, la là, vraie 8ème génération. Voilà, c'est la vraie suite. Pas, c'est pas le... Ah oui, parce que là c'est juste le Pokémon rouge qui a été refait. Ouais, sur Switch. Bon, en attendant, les Pokémon, t'en rends compte à l'appel. Hein. Mais t'en comptes à l'appel, oui. C'est mais toujours mais le même là, c'est la... Ben alors, justement, est-ce qu'ils ont calculé que les, comment dire, le public de Pokémon a grandi et qu'est-ce que ça va être? Moi, tu vois, je me dis, ils peuvent nous, vraiment nous surprendre. On trouve une nouvelle mécanique, c'est le premier jeu Pokémon RPG dans nos salons, en console de salon. Donc là, ils ont vraiment un coup à jouer. Donc après, ben, à voir ce que ça donne. Une curiosité. Ils vont changer la mécanique. Je change pas une équipe qui gagne. Hein, pour eux, ça peut-être pas le système de combat, mais il y a plein de trucs que tu peux améliorer. Enfin... Moi je dis c'est un essai, c'est une curiosité aussi à voir. Après Pokémon, là où c'est quand même très fort, c'est que ça fait... Pokémon c'est quoi, 97, 98 c'est ça? 96 même. 96 même. Au Japon, enfin après. 96, ouais. Ça et en... c'est plusieurs générations qui le regardent le dessin animé, c'est plusieurs générations qui jouent aux jeux vidéo. Bah, ma fille regarde le dessin animé. Voilà, et je veux dire, c'est là où c'est fort, c'est oui, que... Oui, non, ouais, mais moi pourtant j'ai jamais joué. J'y accroche pas. Oui, non, on n'est pas d'accord. T'es pas un exemple, toi. Toi, c'est en 2D, c'est caca, vas-y, c'est bon. Non, non. Ouais, je pense. Faut voir. Ouais. Faut voir. Alors, personne sait trop quoi. Moi, je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Ouais. Avec la Switch, en plus, le côté. Non, le côté. Attention, c'est calme. Les jeux Switch. On aura Dragon Ball Heroes aussi, tu sais, le jeu que tu veux acheter qui n'est pas un vrai jeu. Bref. J'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai dit Switch, on regarde. Non, le côté portable, puisque ça reste... Ah oui. Pokémon a toujours été sur console portable. Oui, oui donc, mais oui. Donc je pense que oui, ça va être une bonne continuité à la série, et avec encore une centaine de Pokémon nouveaux, et puis un mode online un peu plus poussé. Voilà, pour les échanges, pour les combats, tout ça. Je pense que ça peut... Ça peut le faire. Ça peut le faire. Pas de mots à dire, toi. Non, mais peut-être qu'il pourrait faire comme il dit un mode online et se battre contre des copains avec tes propres Pokémon. Ouais, même. Dans une arène, tu vois. Ah oui. Oui, Battle Royale, mais c'était pas. Non, parce que je suis désolé, mais il y a quand même eu un Pokémon qui est sorti sur Switch. Ah ouais, quoi. Pokémon Battle, oui, mais... je sais pas quoi là. Hein. Pokémon, c'est ça. Pokémon Tournament, non, c'est un jeu de baston Pokémon. Mais c'est Pokémon, je suis désolé. Pas... Non, c'est Pokémon, arrête. Désolé. C'est un Tekken avec des Pokémon, vas-y, c'est bon. Je teste la démo, c'est pas tellement un Tekken qu'avec des Pokémon, c'est vraiment différent. Ouais, si tu veux, mon fils est là, on va te rappeler. Bon, il m'a mis la démo sur la Wii U, donc. Ouais, bon. Ah ouais. Ça me. Ouais, non. Bref, et je vais terminer par Nightcall. Alors, je suis sûr que vous en avez pas entendu parler. Ça me parle pas. Je pense pas. Alors, c'est un jeu indé d'un studio français. En fait, c'est un jeu d'enquête. On est un chauffeur de taxi, il y a eu un meurtre. Donc, en fait, le but. Donc, c'est un chauffeur de taxi qui ne travaille que la nuit. Et donc, le but, ça va. Être d'enquêter sur les meurtres et donc de parler avec les personnes que l'on transporte et donc en même temps on va avoir de la gestion de notre carburant, des clopes. Ouais, c'est une petite qui va sortir sur Switch et PC et donc ça me dit bien. Tu vois, c'est le genre d'expérience qui me tente bien. J'aime bien les jeux un peu chelous. Ouais. Voilà, curiosité. Vas-y, vas-y. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, rien. Un jeu sans intérêt sûrement encore sur Switch. Oh, attends de jouer à Clash of Clans, là, ou Clash Royale. Bah, non, mais je envoie et on en reparlera plus tard. Ah oui, on voit. Moi, je m'éclate avec ma Switch. Hein. Je suis désolé. Tu devrais tester le Zelda, tiens. Toi non, qui non. Mais non. Si, c'est Zelda. Oui. C'est du remasterisé pour moi. Eh ben non, et voilà. Mais non, mais justement, Zelda, il a tout sauf un Zelda. Ouais. Eh ouais, non. Mais... Ah, c'est du Zelda. Casse d'épaule et puis voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets un coup de dans les couilles. Non, non. Je pense qu'on va faire, un épisode spécial Switch. Ah, je vais arbitrer. Et vous allez vous... je suis neutre dans l'histoire, hein. Non, non, non. Bref, je crois que j'aime pas trop quand on fait comme ça. Y'a pas pour ou contre la Switch ? Non, y'a pas. Non, mais je l'ai enlevé du conducteur, ça. Ouais, j'ai vu ça. Et pour ou contre la Switch ? Pour, évidemment. Ah, pour. Contre ? Ok, c'est bon. Je suis le balai de bike, l'eau. Et toi, Seb ? Bah non. Ah oui, bien sûr. C'est moi le qui partage. Il en a pas. Pour ou contre ? Bah justement. En pour ou contre ? Pour ou contre ? Vas-y. Est-ce que toi, tu l'achèterais ? Ouais, est-ce que tu l'achèterais ? Est-ce que t'es pour l'acheter ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne envie de l'acheter ? Là, actuellement, ouais, si, il y a des jeux quand même qui me font envie. Vas-y. Il y a Zelda me fait bien envie, le Mario me fait bien envie. Bien sûr. Toujours la grande force de Nintendo, ça a été ses licences. Bah oui. Il veut une console rien qu'avec ses licences. C'est... Ah oui, clairement. Mario Kart. Ce qu'a pas su faire Sega. Ils avaient quoi comme licence ? À part Sonic. Si, ils avaient de belles licences, Sega. Ah, Sonic, Fantasy Star Online. Shenmue. Ouais, d'ailleurs, le 3 qui arrive cette année, j'attends aussi. Je sais pas, fait le 1 et le 2. Ça me tente pas du tout. Ouais. J'ai pas connu à l'époque. Si, Sega avait de belles licences, seulement Sega, ils ont fait très vite n'importe quoi. Déjà à l'époque de la Mega Drive. Et à l'époque aussi de la Saturn. Et ah, la Mega Drive, ça allait. Là où la Dreamcast aurait pu corriger le tir, le problème c'est qu'il y avait la PlayStation et c'était trop tard. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, ils auraient pu gérer. Ah, la Dreamcast, c'est sûrement une des meilleures consoles qui soit sortie. La Saturn, c'était du. Ils n'ont pas. Non, la Saturn, non. La Saturn, c'était un peu la Wii U de Nintendo. C'est compliqué. C'est sorti, mais t'as pas trop compris pourquoi. C'est compliqué parce qu'à l'époque, si tu veux, ils avaient tout misé pour faire des putains de jeux 2D, alors que la 3D arrivait avec la PlayStation. Ouais. Ils ont fallu qu'ils se démerdent avec des pros 2D à faire de la 3D. C'est pour ça que c'était un enfer à coder. Ouais. Ils ont eu des jeux de merde. Bref. Donc, en tout cas, on en fait tout. Je suis impressionné. Ouais, hein, bravo, les gars. Dans les temps. On en est quoi ? On en est à une petite heure. Alors, ça a été rapide. Faudra peut-être épiloguer plus. Bon, rapide et pas rapide, quoi. Une heure. Une heure, c'est déjà bien pour une première. C'est ça. On pourra même préparer les sujets la prochaine fois. La prochaine fois, je prépare un sujet Switch, je te fais 40 pages recto verso, tu vas être halluciné. Oh, moi, ça va pas être long. Ah bah, deux lignes, ça va aller. Il n'y a pas d'argument. Hein. Deux lignes pour la Switch, ça suffit. Bon, sur ce, je pense qu'on aura assez parlé. Je voudrais quand même saluer la Xbox One, hein, pour laquelle on n'a pas beaucoup parlé. Ça existe, ça ? Microsoft, ils font quoi des téléphones ? Ah non, merde, j'aurais été aussi. Ils ont même dit qu'il fallait passer sur iOS. Heureusement, t'as pas une Xbox, ça serait pire. Bah, j'en aurais pris une. Y a quoi ? Y a rien à faire. Y a Forza. Ouais, c'est ça, y a rien à faire. Pas souci d'équité, je voulais dire Xbox One pour un souci d'équité, tu vois, pour équilibrer un peu. Je connais personne autour de moi qui a une Xbox. Voilà, c'est tout. Je pense que les Xbox, elle a une bonne copine, c'est la Switch, pas loin. Ça s'entend bien, ça. Non. Mais elle est en train de pulvériser. Ils vont finir dans le même panier, t'inquiète pas. Ouais, t'arrêtes plus de 2 millions de consoles. Ils sont en train de pulvériser maintenant, mais au bout d'un moment, ça va stagner, ça va s'arrêter. Bien sûr que non. Ne cherche pas, ça va s'arrêter. T'as une solution portable. Ouais, ouais. Attends que Persona 5 qui sort dessus, attends que Dragon Quest. Je crois que Dragon Quest. Attends qu'ils sortent les jeux qu'ils ont à sortir, et tu verras. 2020, c'est le plat complet. Regarde la PS Vita. Fou au rideau. Console portable. PlayStation n'a jamais su faire. Enfin, si, ils ont géré avec la PSP. Je suis neutre, je prends pas de parti. T'as combien de Switch à la maison ? Ouais, j'en ai deux, mais c'est pour mes enfants. C'est pour mes enfants. C'est eux qui jouent. Et qu'est-ce qu'ils font avec la Switch ? Ils jouent à Fortnite. Ouais, oui, un jeu de merde. Et qui c'est qui a acheté un Game Pass pour Fortnite ? Oh, un grand enfant de 34 ans ? Non. Il l'a acheté pour pas y jouer. T'aurais dû t'acheter une Switch ? J'ai pas acheté. T'as pas acheté de Game Pass ? Mais le premier, le tout premier. Oui, Il y a quoi ? Il y a quelques mois, ça. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, on était très heureux de vous retrouver. Enfin, de vous retrouver. On en fera certainement un prochain, donc je vais voir comment se passe le montage. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Salut. Quel connard. Tu peux même lâcher une caisse. Ouf. Ah non, pas bon. Ça fallait pas.